Au quartier y'a de la vente d'armes, les petits jouent les vandames, soulevés par les gendarmes. Dur de vie, moi j'en parle, tu le sais que j'en bave. Que j'ai quitté les études, fais gaffe car les gens bavent. Et sais-tu que les putes s'éduquent, mon boucan passé du con, mais toi j'ai trop vu que tu me prends pour un trou du cul. Et j'ai entendu que tu te prenais pour Hulk, mais que tu te prenais des nuits que. À ce qui paraît, tu vis mal, tu tires, mais tu vises mal. Tu connais la devise, si t'as trahi, me fais plus la bise, man. Mais t'es pas mes pensées à l'écart. Je vis, je vois, je viens d'en bas, tout comme toi. J'ai pas le droit, vous voulez quoi? Qu'on se rassemble ou qu'on se dissoute, j'y repense quand je dessoule. Plus le temps, je veux des sous. Là, je suis sous T-Miss, cache tes barrettes sous le soutif. Un petit bouquet, couteau ou patte, tu me fais le Rocky. Oh, ok, man, je viens vous choquer là. Fais pas le propre, tu me lèches des chattes. À la Jonquera, viens pas nous pomper là. Je suis anti-PDH, du genre tu pompes l'autre. Les filles bien, j'adore ça, je me les garderai perso. Toi, tu cherches les sales, sales, celles qui donnent leur berche. Berche, je pense aux frères qui s'abîment en cellule. La routine, accès nul, assez mort et assez mûr. J'ai le buzz, je le fais pas. J'ai mon cœur, je le prête pas. J'ai de l'argent, je claque tout. Quand ça part, ça revient pas. Je m'alcoolise sous Smirnoff ou sous vodka Red Bull. Ton poteau, il veut une toffe, mais il rend fou, il s'arrête plus. Tu m'écoutes pas quand je parle, après tu te plains quand je t'esquive. Viens me revoir quand je suis à jeun, car je te respecte et je t'estime. C'est dur d'écrire un texte, mais je suis trop à la fume, mec. C'est dur de faire tourner un pet quand tu es pas en fumette. Un 3-5 la pointe, cria rat de la